l'oncle Todor était un grand sacreur et il ne faisait pas dans l'amateur. Dans le 25 décembre se pointait à des lieux à la ronde, on entendait. On entendait quoi? Chris Tabarnak, hostie, colis, ciboire, de François. Monsieur le curé voulut intervenir. Tu pourrais pas dire Moses, c'est ben moins pire. Mais malgré ses bonnes résolutions, mon oncle continuait ses élocutions. On entendait quoi? Chris Tabarnak, hostie, colis, ciboire, de François. Tabarnak,